Rock and roll, baby motherfucker. Rock and roll, yeah, yeah. I've been chanting. Tu vois tout l'après-midi. On me croisait comme un vieux. Le dimanche après-midi. Bonjour, qui regarde la famille en or et Julien ne perd la télé. On met les chaussons, on met le peignoir, même le chien sent moins mauvais. Jordi, on sait que tu as un mauvais caractère, car ton zizi est tout. Jordi, tout le monde sait que ta bite est molle. Que vas-tu en faire de ce clito inutile? Oh Jordi, ça sent que t'as même plus la colle. Même le Viagra ne fait plus rien. T'en as tellement bouffé que tu ressembles à un schtroumpf. Jordi, Jordi, oh Jordi, ta vie de merde, tu la dois à ta connerie. Tu n'as jamais bien compris, tu n'as jamais aimé. Rock and roll et Tony, c'est ce qu'il te fallait. Jordi, oh Jordi, c'est ton zizi et ton petit. Jordi, c'est pas grave, tu t'es branlé quand tu étais ado. Maintenant, même les vieilles te tournent le dos. Ta retraite payer les putes, mais voilà, t'as plus de bite aujourd'hui, yeah. T'as plus de bite aujourd'hui, yeah. T'as plus de bite aujourd'hui, yeah. T'as plus de bite aujourd'hui, yeah. Aujourd'hui, nous on pèse à couille rabattue, on n'arrête pas de défoncer des culs. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est que t'es super furieux, parce que tu sais même plus être marrant. T'écris des textes chiants, même ton humour est lent. Tu fais attention à tout, alors que tu vas crever comme un fou. Jordi, Jordi, réveille-toi, rejoins-nous. Et puis tu pourras dire que Jordi, yeah, mother, yeah, motherfucker, Jordi, il est triste. Jordi, il est triste parce que son zizi, il est tout mou. Le zizi de Jordi est tout mou. C'est fou, c'est fou. Ah, Jordi, tu fais le rock and roll dans ton petit. La musique électro, il t'en faut pas trop, toi ce qu'il te faut. C'est un Viagra nucléaire. Ah mais ta bite dans le réacteur de Fukushima, peut-être que ça marchera. Ah Jardine,